c'était pourtant hier, cette petite fille sur la photo. Sur ton lit, le vieil ours pleure, tu as Baby, look.